Salut, salut, salut, comme tous les dimanches, c'est Lost in Space sur les ondes de Radioactive, le 100 FM à Toulon et sur le www.radio-active.net partout ailleurs dans le monde. Et on retrouve notre ami Dominique pour le quatrième épisode. Quatrième épisode consacré au rock français, comme les trois précédents. Pendant celui-ci, nous allons donc attaquer clairement les années 80 avec un peu en gros deux grandes parties. Au tout début, tout ce qui va être un peu oi et punk rock comme j'aime bien, c'est-à-dire qu'on va écouter comme Interne Sec, Brigada Flores Magón, Camera Silence, Souris Déglinguée, les Suggs. Et puis on va continuer ensuite avec des choses que Dominique écoute plus que moi, tout simplement, comme Condense, Kill the Thrill, Portobello Bones, et on finira sur tout cet aspect un peu, on va dire, rock, un peu humoristique français, qui n'aimait pas particulièrement, et on finira ainsi avec les VRP. C'est donc parti, pour plus de 2 heures, accrochez-vous, à bientôt, go. Ah, il y a une vague qu'on n'a pas trop citée, là, mais, à mettre entre guillemets, parce que bon, j'avais beaucoup de potes au lycée qui écoutaient ça, c'est toute la vague, oh, Reich Orgasme, comme Interne Secte, toute cette vague-là. Personnellement, la Horde aussi, on peut les mettre dedans avec Gogol. La Horde, ils étaient... Non, c'est pas grand-chose. Alors là, la Horde, typiquement Gogol, ouais. Là, on est toujours dans le côté festif et voilà. Provoque. Alors comme Interne Secte, c'est vraiment... C'est le côté... C'est vraiment le côté extrême-gauche que tu vas retrouver après avec des groupes plus anarches comme Brigada Flores Magón. Tu les mets dans... C'est pas les groupes KO, là comme Interne Secte, ils sont sortis un peu en même temps, mais ils sont vraiment... Moi, je les voyais dans les... Je sais que, j'avais plein de potes au lycée, il y a quelques copains punk. Classe, ils écoutaient les compiles KO, alors ils écoutaient Punk and Disorderly, GBH, Exploited et compagnie, et un peu ce qu'il y avait en France à la même époque, les collabos aussi. Ouais, il y avait tous ces groupes, moi j'aimais pas trop tous ces groupes, à part une que je le respecte, tu me diras, je pense que toi aussi, c'est Caméra Silence. Ah ouais, mais Caméra Silence, en plus voilà. Caméra Silence, ouais. Je ne sais pas si les auditeurs vous avez suivi, mais quand même la magnifique histoire de ce groupe, en fait, qui a disparu de la circulation après deux albums. Ils étaient de Bordeaux, en fait. Ils étaient de Bordeaux, Caméra Silence. Ils ont fait deux ou trois bons albums, je crois. Et après, ils ont disparu. Ouais. La légende voulait que... En fait, c'est parce que suite à un braquage d'une banque, ils ont fait sans tuer personne. D'ailleurs, ils sont partis avec le pognon. Ils ont disparu en Espagne. On les a pas revus pendant des années, jusqu'au jour où le chanteur Gilbertin est revenu. Mais il y a 2 ans et quelques, il s'était caché en Espagne. Il était disquaire dans un petit coin et il est revenu en France. Il s'est constitué prisonnier. Mais bon, comme il est prescription, il n'a pas été accusé. L'argent n'a jamais été retrouvé. Et Gilbertin s'est éteint des suites d'un cancer, malheureusement, après avoir fait son retour en France. Et là typiquement, c'est un groupe qui a vraiment marqué. Alors, les Bordelais, par exemple, typiquement, ça a marqué quand il est mort. Il y a eu un énorme tifo dans les tribunes du stade de Bordeaux. Alors, je ne sais plus si c'est encore le Lescure, l'ancien ou nouveau le Matmut, où ils avaient reproduit une pochette en fait de Caméra Silence. Donc c'est vraiment un groupe qui a marqué. Moi j'habitais 5 ans à Bordeaux. D'accord. Ouais, et donc là les vieux Bordelais t'en parlaient en fait. Ouais. Et, plus fort que tout, cette amitié qui nous unit. Plus grand que tout, ces liens qui font de nos amis. C'est avec eux. On a passé de bons moments, c'est grâce à eux qu'on n'a pas vu passer le temps. Plus fort que tout, cette amitié qui nous unit. Plus grand que tout, ces liens qui font de nos amis. Alors les gars, surtout n'oubliez jamais ça. Alors les gars, où ils iront, tous on ira. Les amis, toujours en toutes les occasions, on peut compter sur eux. La raison, casser leur code d'honneur à eux. Ensemble on a vécu les mêmes galères, aimé les mêmes filles. On s'est saoulé dans les mêmes bars, nos souvenirs ne font qu'une mémoire. Plus fort que cette amitié qui nous unit. Plus grand que tout, ces liens qui font de nos amis. Alors les gars, surtout n'oubliez jamais ça. Alors les gars, où ils iront, tous on ira. Compter sur eux, ils donneront de leur mieux. Mais surtout n'oublie pas, oh. avec toi. Rien jamais ne les arrête dans le malheur, dans la joie. Et même si un soir complètement bourré, on en vient à s'engueuler, demain tout sera oublié, ça nous fera même rigoler. No, no, no. Voilà. Mais pour en revenir à ce qu'on disait, qu'il y a un nom comme un terme secte, c'est déjà c'est un vrai, vrai groupe de bons gauchos. Et puis, c'est, moi, je mettrais plus dans la même... dans la, pas le même panier, parce que c'est compliqué de mettre dans le même panier un quelconque groupe avec la souris, la souris déglinguée, qui pour moi est peut-être le groupe qui m'a le plus marqué dans cette période. tu t'en mets souvent dans ton émission. Oui, ouais, ouais, je comprends. Mais après, moi, je suis pas trop fan. Mais après, par contre, c'est le groupe que je respecte. Ouais. Parce qu'il y a une histoire. Il y a... Après, les disques, j'aurai un disque ou deux, j'écoute pas tant que ça. Alors il y en a un qui est peut-être le meilleur, le premier est vraiment bien parce que t'as le côté punk classique, et puis il y en a un qui est vraiment bien parce qu'il montre l'ampleur musicale qu'ils ont réussi à prendre, c'est Eddie Jones, qui mélange à la fois reggae, jazz, bebop, et il y avait vraiment toujours des super paroles. J'ai rencontré Tay Luke, le chanteur à plusieurs reprises, c'est quelqu'un de très bien aussi. Alors le problème de la souris déglinguée, c'est que c'est encore une fois une partie de leur public. Ouais. C'est qu'ils sont considérés, il y a eu des embrouilles il y a quelques années de ça à Fréjus, là où concert organisé par les FAF liés à la mairie de Fréjus. Et donc ils ont. Récemment, là ? Ouais, il y a 3 ans, c'était en 2017. La mairie, Rassemblement national. Ouais, voilà. Et donc il y a eu pas mal de trucs. Ils se sont défendus sans vraiment se défendre. La manière dont on se défend la souris déglinguée, c'est-à-dire en gros aller vous faire foutre, qu'on fait ce qu'on veut. Ouais. Mais en même temps, c'est des gens qui sont capables de jouer pour le RAJ, qui est une organisation d'extrême gauche à Limoges, qui ont des paroles parfois ambivalentes, mais pour les avoir rencontrés, c'est tout sauf des gens racistes. Quoi. Non. Bah déjà le chanteur Taïlu qui est asiatique, donc il raconte plein de choses. Mais vraiment, ouais, donc voilà, c'est comme disait Charlie, même si j'aime pas trop citer Charlie, c'est difficile d'être aimé par des cons par moment. Mais voilà, mais ils ont ce côté, ils placent les rapports humains un peu au-dessus. Et c'est vrai que par exemple, typiquement, encore une fois, c'est ce côté culture prolétarienne. Hein, par les stades de foot, ça fait au moins la deuxième fois que j'en ai parlé. Là, ça va être la troisième, par exemple, à Lyon. Les bad guns qui sont un peu bien faf quand même, faut dire la vérité, un cop ont souvent des tifos avec la souris déglinguée, ont souvent des choses. Donc il y a aussi pas mal de skinheads qui sont bien d'extrême droite à Lyon, qui sont fans de la souris, mais il y a aussi plein de gens qui sont pas du tout faf qui le sont, donc c'est particulier. Et c'est vraiment un groupe marquant, et c'est vrai qu'Eddie Jones par exemple, cet album, c'est une petite merveille. D'accord. Je t'invite à les réécouter. Mais d'accord, je vais réécouter. Non, mais je vais avoir deux disques, deux jours. C'est moi, puis je les ai vus en concert à l'époque. Mmh. Mais j'étais pas à fond. Thank you. c'est l'un d'entre eux, un mélomane très dangereux. contre, alors, oui, là j'étais à fond. C'est arrivé vers 87, hein, 88, je découvre un énorme best d'ailleurs, un groupe qui s'appelle les Tugs. Ouais, c'est la claque. Bah, moi aussi, pareil, un peu Tugs, comme Metal Urbain. Ouais, pareil, parce que. Ils ont été signés chez Sub Pop. Énergie hardcore démentielle, pas loin d'une puissance à la, on peut le dire, mur du son à la Motorhead, tu vois, des mélodies à la Buzzcocks, tu vois, et avec des chœurs. Incroyable, tu vois, et encore un des groupes préférés de Yellow Biafra d'ailleurs. Donc, c'est les Tugs d'ailleurs qui ont été signés à un moment sur le fameux label Sub Pop, le label entre guillemets grunge des années 90, et qui vont être cités par les groupes légendes de Nirvana, Meudonné, tout ça, toute la vague grunge des années 90 aux États-Unis, vont souvent citer les Tugs comme des frères d'armes, quoi. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, ils ont continué. Le chanteur là, vient de sortir deux albums là, en quelques années. Lane, exactement. Oui, oui. Love and Noise Experiment avec son fils. C'est pas mal d'ailleurs. Et c'est même plus. Ouais. Ah, si t'aimes pas les Sucks, tu vas pas trouver ça bien. Si t'aimes les Sucks, tu vas trouver ça fabuleux parce qu'il y a une vraie. Effectivement, il y a un vrai rapport en fait. C'est clairement. Continuité. Ouais. We'll be right back. Bon, alors après la même période, les années 80, il y a fameux Noir Désir. J'avoue que Noir Désir, au départ, quand j'ai écouté ça, je trouvais ça, c'était un... Ce qui m'énervait, c'est qu'au lycée, ou même à la fac, je sais plus, les gens écoutaient Noir Désir. Il y avait un côté prétentieux dans ce groupe qui m'énervait un peu, côté poète-poète, tu vois, qui enfin, m'énervait un peu. Sur le premier album, ça fait vraiment poète de lycée, quoi. Voilà, c'est ça, c'est ça. Puis musicalement, je trouvais ça a pompé le bon club à l'époque. Ah, clairement, j'adore, ouais. Hein. Mais bon, c'est évident quand même, il y a quand même des belles choses dans Noir Désir. Noir Désir, il y a plusieurs périodes. Il y a effectivement la première qui est Gun Club, la deuxième où les albums sont produits par Ted Nicely, celui qui a fait Fugazi. Oui. Qui sont vraiment Tostaki. Bien. Ouais, Tostaki. Voilà. Tostaki, j'aime beaucoup ce disque, justement. Et ça puis une sonorité un peu grungy. Et puis le dernier, ouais. Les visages des figures, le double, le double vigne rouge. Alors moi, le problème de Noir Désir, c'est que j'ai les disques, mais j'aurais aimé les voir pour Tostaki. Et je les ai vus deux fois, je les ai vus pour Au Sombrero de la mer, où c'était une catastrophe. Il jouait avec l'harmonica et parce que il était faux. En fait, il jouait faux. L'harmonica, c'est un des rares instruments qu'on ne peut pas accorder. Donc, il faut s'accorder par rapport à l'harmonica et pas le contraire. Et donc, ils avaient fait le contraire. Donc, c'était affreux. Et puis après, j'ai vu pour l'album des visages des figures. Et là, c'était à la Halle Tony Garnier à Lyon, qui est peut-être l'endroit le moins adapté au monde pour faire de la musique. Avec un son dégueulasse. J'avais vu Placebo deux semaines avant, c'était dégueulasse. Et voilà, grosse déception, parce que j'aurais vraiment aimé voir Noir Désir à l'époque de Tostaki. Après, ouais, Noir Désir, c'est pareil, le problème, c'est le chanteur. Oui, oui, voilà. Parce que voilà, c'est, on peut dire tout ce qu'on veut, c'est comme un type qui a tué sa femme à coup de baffe. Donc, on peut parler du groupe, mais on peut pas faire l'impasse sur le fait que. Ouais, féminicide. Ouais, clairement. Et... Bon, après, est-ce que c'est une dispute du couple? Bah, peu importe, mais voilà, il a quand même tué sa femme à coup de baffe, et rien que pour ça. Moi, j'écoute plus, rien que pour ça, en gros, j'écoute plus Noir Désir. Condense, alors peut-être que tu as connu, parce que si tu as habité Lyon à une époque, qui était pote avec une jeune punkette qui s'appelait Virginie Despentes d'ailleurs. Et Condense, c'était la claque sur scène, c'était un mélange de hardcore, de noise, de son un peu garage aussi. Et sur scène, c'était monstrueux, monstrueux. Ça, c'est notre chanson des... Ça, c'est notre chanson, ça. Thank you. J'étais à un moment, j'étais à fond dans cette scène noise française. À Marseille, nous, on avait aussi un groupe étiqueté noise industriel qui était les fameux Kills de Frill, qui continuent à jouer d'ailleurs. Et très très bon aussi, comme une cote même internationale. Il y a des groupes, même je sais pas, un groupe comme Dalek, je sais pas si tu connais, ici de Kills de Frill parmi leurs influences. Les mecs de le mec de Godflesh adore Kills de Frill aussi. Voilà, donc dans cette mouvance un peu industrielle. Start to the palace, misunderstand. Yeah. hardcore. Des choses plus expérimentales, noisy aussi, comme Int, que j'ai vu en concert aussi. Ils étaient dangereux. Et les fameux aussi Portobello Bones. Voilà. Tous ces groupes, je les ai vus en concert durant les années 90, j'étais à fond dans cette scène-là. Ah, moi, c'est bizarrement, ouais, c'est une scène, je suis passé, mais alors complètement à côté. Ah bon? Ah, mais moi, je te dis, complètement. Ouais. Et puis, il y a un peu les ancêtres aussi, qui étaient un peu metal, noise, industriel, et sur scène, c'était assez impressionnant, même si après le chanteur se l'a joué sur scène. C'est très Trepon Impale. Voilà, Trepon Impale, c'était un moment quand ils ont sorti leur premier album en 89. Je disais à mes amis punk, thrasher que je côtoyais, je disais, mais c'est exactement la musique que j'ai envie de faire. C'est-à-dire une ambiance industrielle, des guitares très très lourdes, thrash, metal, tu vois, mais en même temps, un côté hardcore, voilà. Et Trepon Impale, enfin le premier en tout cas, pour moi, c'est un chef d'œuvre. Après, ils ont fait des choses moins bonne qui lorgne vers le néo-métal que je supporte pas, tu vois. Mais le premier, pareil, côté... Ça s'appelle comment, le premier? Je sais plus, il y a la chanson Silico dedans, mais je sais plus, très pas mal, non éponyme, ouais. Ouais. C'était des Parisiens, des coachs. Qui a dépassé la peur et la crainte de la mort. Je vais au-delà de ça. Je suis nue dans mon combat par d'autres passions. Je n'ai peur ni de vos généraux, ni de vos tribunaux et lois d'un autre âge, ni de vos potences. J'aime la vie malgré ses souffrances et ses épreuves. Des êtres que j'aime sont nombreux, et peut-être nombreux sont aussi ceux qui m'aiment. Mais ma passion pour la justice, ma détermination à contribuer au combat pour permettre à mon peuple de mener une existence digne, libre et respectueuse de sa personnalité prime sur tout. Vous ne pouvez supprimer les idées et les aspirations adoptées par des millions de gens en mettant à mort quelques personnes ou quelques milliers de personnes. Est-ce que ceux qui ont crucifié Jésus, envoyé sur le bûcher Jeanne d'Arc, condamné Galilée, ont pu empêcher la diffusion de leurs idées? Il y a 14 ans, Laila Tsan était une jeune fille paysanne, ordinaire, dont le monde était limité par la quête du petit bonheur domestique. Les événements consécutifs au coup d'État et les barbaries subies ont fait d'elle une militante à la détermination d'acier. Il faut la brûler, la pendre, qu'il y aurait des millions de femmes kurdes, des dizaines de milliers de Laila Tsana qui surgiraient devant vous et poursuivraient son combat. continue d'ailleurs. Voilà, pour après il y a eu les horreurs, hein, dans les années 90, il y a eu des artistes, des trucs qui ont annoncé d'autres horreurs après. Alors tu parlais du néo-métal, tu vois, bon, l'Ophophore encore, bon c'est vrai que c'est pas terrible, hein, je reconnais, mais il y a eu des choses comme Sid Marins, qui était épouvantable. Eh ben au début, Sid Marins, moi je les ai fréquentés, alors je les ai fréquentés, les Sid Marins. C'était de Lyon, non? Non, ils étaient à Paris, à l'époque j'étais à Paris. Et en fait, au début, c'était plutôt... En fait, à l'époque, j'étais en école de pub et il y avait un de mes collègues dont... Et on avait un projet à faire qui était de s'implanter, en gros, de s'intéresser à des trucs, faire des plans de com pour des machins. Et lui, il s'est occupé des Sid Marils, parce qu'il habitait en 91, au fin fond du 91. Et c'était un groupe du coin. Et à l'époque, il faisait une espèce de garage à la soucoupe violente, en fait. Les premiers albums, c'était les premiers trucs avant qu'ils soient connus, c'était ça. Donc après, effectivement, moi j'en ai entendu, parce que je les ai vus en concert, ça faisait vraiment très côté Garage Sixties, et puis c'est après quand je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas le même groupe. Ouais. Pourtant. Ouais, mais il y a des groupes qui dégénèrent comme ça. Hein. Je sais qu'ils avaient joué avec Condense, et Condense ils supportaient pas, et backstage ça a fini en baston. Ouais. En plus, c'est Sid Marie, ils avaient sorti leur titre, d'ailleurs. Puisque c'était une espèce de tulle de la fin des années 90. Ouais. C'est pas sûr qu'il va y avoir du sport ou un truc comme ça. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, mon nom c'est Smokey. La rumeur gronde, tous les gars sont sortis. On sort de l'ombre, faites chauffer les amplis. Pour donner un peu d'air, c'est clair. On sort les flashs pour n'importe quelle tâche. La colère monte et les mecs se lâchent. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Faut pas que je force, que la vie soit facile. Je veux faire de l'or sans bouger mon nombril. Me donner un peu d'air, c'est clair, c'est clair. J'ai rendu à mes amplis pour plaire aux cailles, éviter les ennuis. J'ai passé l'âge, laissé des ardoises. Il faut que je me pose quand tout le monde se lâche. Il va y avoir du sport. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Le soleil plombe et les girls sont faciles. Dans la pénombre, préférez les dociles. Je veux toujours moins en faire, c'est clair. Allonge du cash pour smoker. Autant que je sache, c'est une bonne thérapie. On sort les flashs pour n'importe quelle tâche. La colère monte et les mecs se lâchent. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir plein de groupes qu'on n'a pas cités dans la scène garage. On aurait pu citer dans les années 80, il y avait un groupe de Marseille qui avait un public à la fois punk, un peu hard rock aussi, garage, c'était les Whiteshied. Whiteshied, un groupe très stougien, Def Trip, leur second album, je l'avais, enfin, j'ai eu toujours d'ailleurs le disque, avec des lyriques proches des Stooges, MC5, c'était pas mal du tout, les White Shy. Ils ont une bonne cote, même dans les journaux de métal de l'époque, il y avait souvent des interviews d'eux dans la presse métal des années 80. Et dans Metal Attack ou Enfer Magazine, pour ceux qui ont connu ça durant les années 80. Après, pas mal le groupe Garage quand même, 60s, The Revival, dans les années 80, 80. Regarde Wild Child. Je fais aussi du football à Hénonville, en cadet. J'aime bien le ping-pong, les jeux électroniques. Ce jeu me donne un défoulement total. Comme musique, j'aime le hard rock. Looking for another one, finding the last one. 90, bah, on est à Toulon, évidemment, on va dire coucou à Boule, les Cryptons, on peut en parler quand même. Même s'ils n'ont jamais dépassé le coin, mais c'est une institution. Ben ouais, c'est une institution et c'est pas mal du tout, surtout leur première, la première formation où il me semble qu'il y avait des futurs. Voilà, on n'a pas des Wikipédia, on n'a pas fait la recherche qu'il fallait. Il y avait les Greedy Guts, je sais pas comment, les Greedy Guts qui vont faire un peu un style un peu hardcore à la Hardons. Ils ont joué au départ avec les Cryptons. D'accord. Yeah. Donc, ah, puis les vents passent. Alors les vents passent. Moi, je trouve ça, c'est toujours pareil. C'est des groupes que je redécouvre plus tard. C'est, au départ, je les ai vus à l'époque, évidemment. Je trouvais ça rigolo, mais bon, moi, c'est rigolo. Voilà, toujours ce rock français festif. Après, c'est vrai que quand ils racontent des chansons sur Patrick Juvet ou je sais pas quoi, il y a un côté Dickies aussi derrière, non? Non. Peut-être pas comme les shérifs. Moi, j'ai du mal avec les vents passés pour avoir vu ça à l'époque régulièrement. Wow. C'est de la variété. Hein, ouais, c'était un peu dur. Un peu dur. Et c'est vrai qu'il y a tout ce côté-là, les années 80, qui faisait. Il y avait ce côté punk à chien, en fait, hein, qui était vraiment insupportable, en fait. J'avais vraiment du mal, moi. C'était les groupes Oi, ça. Non, c'était tous ces groupes alternatifs, en fait. Tu voyais, les groupes Oi, ils t'avaient. Non, t'avais les punk à chien. Si t'avais des groupes Oi, ils attiraient les skinheads. Si t'avais des punk à chien, ils se faisaient latter la gueule, quoi. C'était assez terrible. Donc, t'avais vraiment ce côté. Le côté Gougnaf, Bondage, tous ces labels, parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé des labels, mais ils ont attiré un paquet de groupes. Il y avait les Garçons Bouchers aussi, des trucs comme ça qui étaient. Pas du tout en concert. Ouais, pas moi, forcément très audibles d'ailleurs, mais. Donc, puis ça faisait plus chapelle en fait. T'avais ce que je trouvais, c'est que t'avais pas de groupe qui emportait l'adhésion de tout le monde. C'était vraiment par chapelle. Donc. Bah, par contre, c'est vraiment très français tout ça. Parce que c'est des groupes que, si tu veux, ils ont une tradition française, voire même qui sont liés à la chanson française quelque part. Pourquoi pas? C'est, je pense aux Garçons Bouchers après qui ont fait le groupe Pigalle, c'est ça? Ouais. Bon, moi j'aimais pas, mais. Avec le temps, tu peux te dire, c'est logique finalement, c'est des groupes qui recherchent leurs racines. Après tout, pourquoi pas, t'as des punks aux États-Unis qui vont chercher leurs racines dans le blues. Là. Seul avec mes vaches, si j'avais le portefeuille.

dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs. Y'a des vieux gars tatoués partout qui racontent leurs souvenirs. Y'a des voyageurs tristes par-dessus les valises. Y'a des bookmakers qui ramassent les mises la nuit. Dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs. On peut tout acheter, tout vendre, le meilleur et le pire. Une vieille clocharde de la gueule défoncée entre avec sa poussette et se met à gueuler. À boire. Dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs. Dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs. Pourquoi pas des punks français qui vont chercher leur racine dans la chanson, tu vois, réaliste. Ouais, mais il y en a par exemple. Ou alors même les délires, tu vois, les Ramoneurs de Menhir, moi j'aime pas. Hein. Mais ce retour aux racines, tu vois. Il y en a justement qui faisaient ça, qui faisaient le côté chanson française un peu rigolote, mais en même temps qu'il y avait qui était pété de classe, c'était les VRP. Oui, les VRP avec leur reprise d'Alexandrie Alexandra qui était mais à tomber par terre, qui jouait de la contrebassine, qui était grimé comme c'était pas permis. Il y avait un groupe un peu dans le même style. Les Endimanchés. Voilà. Aussi. Les Endimanchés, c'était pas bon. Par contre, les Endimanchés, musicalement, c'était pas bon. Les VRP avaient, ils avaient un truc qui était bien. Parce que franchement, on va le mettre après Alexandrie Alexandra, mais. C'est un truc à tomber. Et en même temps, ils sont pas ridicules parce que ça a pu être les Cramps qui faisaient ça pour déconner quand même, quelque part. Ils avaient ce côté un peu peur, quoi. Screaming Jay Hawkins qui allait chanter Alexandrie Alexandra, quoi. Alors, tu sais. Dieu et leur franchise. Voile sur les filles,

vilain, ton corps est beau, il est vilain. Non. Tu aimes les hommes afflits, il gagne sa vie à la fabrique. Ouais. Quand tu rentres le soir, Ramon est là dans l'escalier. Ouais. Il est là pour te voir, et tu ne peux pas le regarder. Ramon bébé, Ramon bébé, Ramon bébé, ne peux pas dormir. Ramon bébé, Ramon bébé, Ramon bébé, ne peux pas dormir. Un jour comme tous les jours, tu l'as croisé dans l'escalier. Le regard plein de braise, il t'a proposé une pomme. J'ai mis les tortues rouges, rivalisé de saleté. Les madames dans ce bouche avaient des airs de prostituées. La mode pérée, la mode pérée, la mode pérée, ne peut pas dormir. La mode pérée, la mode pérée, la mode pérée, ne peut pas dormir. Il t'a mis à genoux, t'a demandé de faire le tour. L'air d'un fou quand il a mis son sombrero. Un coup de banderie, ton petit col, il mutila. C'est plus pour une fille de finir dans la paella. La mon bébé.